Chérie, c'est bientôt Noël. Il faut penser aux cadeaux. On fait la liste ? Pour les enfants, je te laisse choisir. Tu les connais mieux que moi. Céline veut des lunettes de soleil. Il y en a de très jolies et un peu bizarres au grand magasin. Et pour Olivier, un sac à dos ? Non. Pour lui, des rollers. J'en ai vu de très sympas, jaunes et rouges. Et pour les grands-parents ? Pour eux, j'ai quelques idées. Pour papy, une cravate. Qu'est-ce que tu en penses ? Bonne idée, une cravate en soie. Je crois que le bleu est sa couleur préférée. Et pour mamie, un parfum, un bijou ? Non, ça ne va pas. Elle n'en met jamais. Plutôt un sac de voyage ? Elle va souvent chez sa sœur en train. Elle en a certainement besoin. Et pour toi ? Eh bien, c'est à toi de choisir. Et pour moi ? Ça, c'est un secret. Attends Noël !